mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries. Dada sur mon dos. Oh, mélodie. L'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu me l'as dit. Mais tout ce que tu dis est-il vrai? Je ne sais pas ce que je te ferai.